ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale invite toutes les populations à entraver l'action des forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale invite toutes les populations à entraver l'action des forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur et de la Défense nationale invite toutes les populations à entraver l'action des forces de l'ordre. Invite toutes les populations à entraver l'action des forces de l'ordre. La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Et le problème dans l'espace-temps, en créant la vie, marchant en avant, toujours en avant. Toujours en avant. We'll be right back. never in my life be apologizing for anything that we did. I'm completely behind every... never in my life be apologizing for anything that we did. I'm completely behind every... avenue that we went down. Avenue that we went down. Avenue that we went down. Avenue that we went down. Apologizing for anything that we did. I'm completely behind every... Nous sommes nés le 24 février quand Rimbaud s'est fait mettre pour la première fois. Il nous a dit qu'il fallait supporter l'insupportable. Nous avons mal compris. Nous avons juste concilié l'inconciliable. Nous avons mal compris. Speed et innocence. Nous avons mal compris. Dope et karaté. Nous avons mal compris. Rimbaud revient souvent me parler. Il me dit que nous sommes vivants. We'll be right back. Covid et innocence. Nous avons mal compris. Nous avons mal compris. Nous avons mal compris. Nous avons mal compris. Nous avons mal compris. propose une seconde partie pour cet échange que j'ai eu avec ce garçon prénommé Mystique, surnommé plus exactement Mystique, qui nous a parlé un petit peu de sa vie, de son cheminement personnel, en particulier de son point de vue personnel, et c'est sur ce point que nous allons démarrer cette seconde partie. Moi, si je te parle de ma vie, mais ça y est, si la radio est finie, non, je rigole, mais là, on en parle pendant des jours. Il faut dire que Mystique a le bras complètement recouvert de tatouages. Voilà. Mais non. Et il y a aussi un truc que je veux parler, c'est que, bon, tu sais, moi, je te dis, moi, je parle de tout, toi. De mon parler bien, suffisamment, tranquille, il y a plein de choses de quand on parle que tu vois ce que je veux dire, malgré que il y a des fois je trouve ça un peu aussi, c'est pareil, ça veut dire quoi, hein? Je veux pas dire, hein, là c'est comment dire, il y a aussi un truc que je veux parler, c'est que j'aimerais bien que tu nous emmènes un petit peu à travers ce qui te fait les raisons, d'une autre façon, mais de ce point de vue-là, tu le dis comment avec tes compositions? Est-ce que tu peux nous en donner un extrait? Ouais. Par exemple, alors je vais te faire un morceau de texte à moi, mais bon, voilà, je te fais une parole plus le refrain. Alors ça fait des conneries, mais de merde. Enculé de merde. Des verres de merde. Enculé de putain de merde. Des conneries, mais de merde. Enculé de merde. Des verres de merde. Enculé de putain de merde. Des conneries, mais de merde. Enculé de merde. De merde, enculé de putain de merde, des conneries mais de merde, enculé de merde, des vers de merde, enculé de putain de merde. Enterprise.